Yeah. Dun, dun, dun, dun. Yeah. Wesh, stop, attends juste une seconde. J'tire une feta pour m'éloigner de ce monde. Yeah. Attends, s'il te plaît, laisse-moi juste une seconde. Yeah. Y'a trop de trucs qui m'agacent. J'fume la beuh qui tabasse. J'fume la beuh qui fracasse. J'oublie tout ce qui me tracasse. Ça passe ou pire ça casse. J'me méfie des rapaces. J'ouvre pas ma carapace. J'm'en bats les maracas. Toujours dans le même secteur. Toujours un poulet devant l'inspecteur. J'fais de la monnaie sans directeur. J'osmane dans ton lecteur. De nouveau 37 heures. Reste à l'affût comme le guetteur. Pour ne plus jamais faire 37 heures. J'avais besoin de paper. Dans ma vie avec du paper. J'avais besoin de la salée. Mais quand y en a trop ça m'écœure. J'ai même tenté de l'épicer. Finalement j'préfère quand je suis foncé les yeux plissés. Car tout se paye sans récépissé. Bref, j'passe les détails. J'raille ces moutons comme le pétail. J'évite tous les serpents qui se cachent ou qui changent leurs écailles. Moi j'suis vrai, j'joue pas de jeu de rôle. Merco Benz la nuit tard, je roule. J'nique mon faux serre, perds des neurones. Cherche la monnaie, cherche les euros. J'veux du big cash money. Big cash money. Big cash money. Big cash money. J'veux du big cash money. Big cash money. Big cash money. Big cash money. Ouais, j'top, attends juste une seconde. J'tire une feta pour m'éloigner de ce monde. Yeah. Attends s'il te plaît, laisse-moi juste une seconde. Yeah. Yeah. À l'intérieur j'suis déjà mort. Yeah. Mais j'ai toujours les gros, j'suis toujours à l'affût si ça mord. Yeah. J'sens que mon cœur se tord. J'ai beaucoup de haine, j'la sens dans mon corps. Yeah. Encore et encore. Mais soit je m'appuie toi sur mon sort. Soit je me relève et je m'en sors. Yeah. Quand je meurs, quand je dors. Yeah. Je me réveille d'humeur hardcore. Yeah. Je suis du père mais ça va pour l'instant, je perds pas le nord. Yeah. Yeah. Ma fierté recouvre tout un tas de remords. Je pense à mon passé, je prie pour un futur en or. Yeah. Désolé mais à mort. Yeah. J'ai plus d'amour en stock, je fais pas de réassort. J'ai la fumée, j'expire et ma rage s'évapore. Yeah. J'ai que de prix ma porte. Yeah. J'ai l'air d'aller bien mais de l'implosion je suis au bord. Yeah. Ouais je stop, attends juste une seconde. J'tire une feta pour m'éloigner de ce monde. Yeah. Attends s'il te plaît, laisse-moi juste une seconde. Yeah. Yeah. Yeah. Ouais stop, attends juste une seconde. J'tire une feta pour m'éloigner de ce monde. Yeah. Attends s'il te plaît, laisse-moi juste une seconde. Yeah. Yeah.